Nous vous saluons cet après-midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tuna misalimia mangaribi ya leo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. J'espère que nous sommes dans la joie. Naamini kwamba tu katika furaha. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina la Bwana lipate kusifiwa. Nous sommes vers la fin de notre sujet. Tukunenda njoo kumwisho ya shina yetu. Dimanche, on pourra parler un petit sujet. Vienga, tawezi kusema yula shina ndogo. Et ça sera pour se dire au revoir. Na itakuwa njoo kulakana. Amen. Amen. Est-ce que Dieu voulait dimanche après qu'il te rentre sur Lubumbashi? Kwani vienga Mungu akipenda akisha ibada tarudia Lubumbashi. Je suis content de votre accueil. Na furahiwa sana namna kunipokea kwenu. Surtout la joie que vous manifestez envers la parole. Zaidi furaha mkunonesha kuneno la Mungu. Nous allons nous tenir debout. Tuta simama. Et nous lisons la parole du Seigneur. Na tunasoma neno la Bwana. Toujours dans le livre de Jacques. Paka mkitabu wa Yakobo. Chapitre 1er. Sura ya kwanza. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na tunasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sachez-le, mes frères bien-aimés, mpate kuyajua wandugu wangu wapendwa, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, hivi mtu yote apate kwa haraka kusikia, là à parler, lakini hapana mwepesi kusema, là à se mettre en colère, hapana mwepesi kusirika, car la colère de l'homme, kwani hasira ya mtu, n'accomplit pas la justice, haitimizake uwaki ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Tunawezi kukaa. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma puissance. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous étions en train de parler sur le sujet. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Ndio, tulikuwa tunasema yule ya shina, yenye kusema, kasirani ya mtu, haitimizake uwaki ya Mungu. Et hier, nous sommes arrivés vraiment en profondeur du sujet. Na jana, tuliwezi kufika mupana wa shina. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de l'exposé d'hier? Na tunawezi kutosha munini, muyote tuliwezi kusemea jana. Et que nous avons compris. Na ile tuliwezi kuelewa. Que chacun de nous a un tempérament propre à lui. Ya kwamba kila mmoja wetu iko na hali yake ya ndani ya upekee. Et que par le moyen de papa et de maman, na kupitia njia ya baba na mama, nous sommes venus des hommes vaincus. Tulikuwa tunakuwa watu walishashindiwa. Nous étions vendus au péché. Tuliuzishwa kuzambi. Nous vivions de péché comme de l'eau. Tulikuwa nakunywa zambi ama maji. Comme Job le décrit. Vile Job anaisema. Jusqu'à ce que Job pouvait dire à Dieu. Hata kufika wakati Job anasema Mungu. C'est à un homme pareil que tu peux demander la justice. Eti kwa mtu wa hivi unawezi kuomba uhaki? Donc Job avait vu que l'homme il est rien. Ndio kwa maana Job aliwezi kuona kwamba mtu ana kitu. Si vous êtes dans des conditions de Job, kama uko muhali ili mlikuwa Yobu, de reconnaître ce que tu es, ya kutambua kile wewe uko, votre humanité, umuntu wako, tu ne peux pas t'enorgueillir, hawezi kuwa na kiburi. Amen. Amen. Et nous avons compris, na tulielewa, que chaque tempérament, ya kwamba kila hali ya ndani ya muntu, ce bon côté, iko na ngambo ya mzuri, ila ce mauvais côté, na iko tena na ngambo ya mbaya. Amen. Amen. Ainsi chacun de nous, hivi kila mmoja wetu, devrait accepter, alipasha kuitikia, amen, amen, que moi, ya kwamba mie huyu, je suis faible, niko mzaifu, à de tel côté, mambo fulani, tel point ce n'est pas mon point fort. Nukta fulani, en tout cas, quand tu acceptes ce que tu es, kile wiko, là déjà c'est une voie pale ni njia de sortie. Ya okutoka. Tu vas demander le secours à Dieu. Utalomba msaada kwa Mungu. Seigneur, Bwana, ta parole neno lako, demeure la vérité. Inadumu kweli. Ta parole a dit neno lako que nous branchons de différentes manières. Amen. Amen. Maintenant, si il, c'est pour que toi tu branches dans la parole. Sasa, kama inawezekana wewe unakualaka ni muneno. Mkusema. Amen. Il y a d'autres, il branche sur les femmes. Il y a d'autres, il branche dans la... Il est toujours jaloux. Et c'est à ce côté-là que Satan vient exploiter pour t'humilier. Maintenant, c'est là où tu dois demander le secours de Dieu. Et l'Éternel, notre Dieu, il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est notre sauveur. Et alors chacun doit accepter. Ça c'est le premier point. Je dois accepter. Puisqu'on ne se voit que dans les yeux des autres. On te dit, tu as tendance à être dominateur. Tu as tendance à être, avoir une autorité à... abuser de l'autorité. Utilise mal l'autorité, mon frère. Ma soeur, tu utilises mal l'autorité. Oh non, vous êtes en train de parler mal de moi. Tu es en train de mentir à mon nom. Non, on ne se voit que dans les yeux des autres. Je ne peux pas me voir. Vous êtes là pour me voir. Acceptez ce que les autres ont vu. Ce ne sont pas tes ennemis. Ni même tes adversaires, tes bien-aimés, qui te disent réellement, frère, tu es un bon fils de Dieu. Mais regarde cette faiblesse, regarde ton penchant, là où tu penches, puisque souvent là où l'arbre penche, c'est là où il tombe. Par exemple, tu connais que tu es faible envers les femmes, évitez la compagnie des femmes, tu vas tomber, puisque c'est ton penchant. Évitez la camaraderie des femmes, puisque tu coûte, même si tu es de bonnes intentions, évitez cette compagnie-là, puisque c'est ton penchant. Peut-être que tu es une personne de faible personnalité, on te manipule n'importe comment, on te dit haït tel, toi aussi tu haïs, injurie tel, toi aussi tu injuries. Alors tu as ce penchant-là, c'est là où souvent quand il y a une petite tension, c'est là où tu vas s'y combattre. Alors, à ce cas-là, tu dois éviter la mauvaise compagnie, puisqu'il est écrit que la mauvaise compagnie corrompt les bons mœurs. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela que nous devons comprendre les choses. Amen. Et maintenant tu sais cela, mais tu te laisses emporter. Tu connais que tu as le penchant vers l'ivrognerie, mais tu choisis comme compagnie les ivrognes, tu finiras par être comme eux. Amen. Amen. Alors, il faut accepter. Vous devez accepter. Moi, ça c'est mon tempérament. Tant que tu n'acceptes pas, tu n'auras pas le secours de Dieu. Amen. Il faut accepter ce que tu es. Et maintenant, tu cries au plein de Dieu. Et Dieu viendra te secourir. Puisque tu reconnais que sans lui, je ne peux rien. Amen. Puisque notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de Corinthiens. Et Paul dit, il est vrai que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas concevoir quelque chose de bien. Mais au contraire, notre capacité vient de Dieu. Amen. Amen. Par exemple, tu connais qu'il y a une personne frivole. Tu es inconstant. Tu dois éviter éviter la mauvaise compagnie des hommes blagueurs, des gens qui font des... Non, puisque c'est le penchant de ton cœur. Et maintenant, comme tu acceptes, maintenant toi aussi, de deux, tu dois accepter que les autres aussi ont des penchants. Tu ne dois pas demander la perfection aux autres. Aussi longtemps que tu sais que toi-même, tu n'es pas parfait. Puisque même ce que nous sommes, c'est Dieu qui l'a rendu capable. Nous tendons vers la perfection de nos corps, la délivrance totale de nos corps. Bientôt là, nous aurons la délivrance de nos corps. Mais déjà, nous avons la délivrance totale de nos âmes. Amen. C'est dans nos corps que lutte le péché. Nous n'avons pas encore la délivrance totale dans nos corps. Et c'est ça ce qu'on appelle notre humanité. Ou bien Adam ou Yetu. Amen. Mais l'homme intérieur, il est déjà sauvé. Il a le salut. Il a la vie éternelle. Amen. Mais maintenant, c'est ça l'ennemi de l'homme. C'est l'homme lui-même. L'homme croyant, son ennemi, c'est la vase de terre que l'homme croyant est dans lequel il vit. Votre ennemi, c'est toi-même, ma soeur. Mon ennemi, c'est moi-même. Amen. Amen. C'est pour cela Paul part plus loin. Il dit qu'il y a des passions qui luttent à l'intérieur, dans la chair. Il y a des passions là qui luttent contre l'homme spirituel. Et frère Branham a donné l'image de cela. Il dit que l'homme, il y avait des chiens qui luttaient. Il y avait l'homme, le chien blanc et le chien noir. Maintenant frère Branham dit, le chien qui était le mieux nourri, c'est celui qui avait le dessus sur le chien qui est moins nourri. Et par là, il voulait typifier l'homme spirituel en toi, le croyant en toi, et le temple de chair. Si tu donnes plus à manger à la chair, la chair aura le dessus sur l'homme spirituel. Mais si l'homme spirituel est bien nourri, lui aussi il aura la victoire sur l'homme charnel. C'est pour cela qu'il est écrit, ne manquez pas de vous assembler, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous êtes ce que vous mangez. Votre santé dépend de la qualité de nourriture que vous mangez. Si vous mangez davantage la parole de Dieu, vous aurez aussi une bonne santé spirituelle. Mais si tu es un chrétien de dimanche, ne t'attends pas que tu auras la même santé que tous ceux qui viennent le jour de Kilimanjaro. Alléluia. Amen. Alors je voulais, avant qu'on continue, que tu retiennes cela. Accepter ce que tu es. Que Bayouzir accepte son penchant. Moi je vois. Je reconnais que je suis flègue. Seigneur, je viens de voir le revers d'un homme flègue. Aide-moi contre la peur. Aide-moi contre la lâcheté. Alléluia. Amen. Aide-moi contre la faible volonté. Donne-moi, remplis-moi de ton zèle. Remplis-moi de ton courage. Rends-moi vainqueur, Seigneur. Et viens à mon secours. Si tu te tiens dans cette disposition-là, le Seigneur viendra te secourir. Alléluia. Amen. Même la femme est là. Même les lépreux, quand ils venaient auprès de lui, Seigneur, Seigneur, Buana, Seigneur, Buana, aie pitié de moi. Dis à mon secours. Purifie-moi, Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Sois pire. Amen. Le Seigneur, Buana, il a des bons projets pour nous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Amen. Alors venez auprès de lui. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Amen. Amen. Et maintenant, frère Branham dit quelque chose. Que je ne voulais pas laisser. Il dit, je ne suis pas en colère, mais le péché irrite quiconque est en règle avec Dieu. Alléluia. Amen. Le péché irrite quiconque est en règle avec Dieu. Amen. Amen. Si vous, un frère est en règle avec Dieu, il haïra le péché dans sa femme. Tu n'iras pas ta femme. Tu ne te mettras pas en colère contre ta femme. Mais la chose là qui n'est pas en ordre avec Dieu, dans ta femme, qui est en ordre avec Dieu, indépendamment de ta volonté, la vie de Dieu en toi se soulèvera contre les péchés. Alléluia. Amen. Toi, tu aimes toujours me donner des remarques sur mon habillement, sur mes histoire à moi. Non, c'est plus qu'il t'aime. La vie de Dieu en lui se soulève contre le péché. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit, je ne suis pas en colère contre la nation, mais je suis en colère contre les diables qui a suscité des choses dans les bites d'aveugler les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où je vous ai dit, prenez ton tempérament, canalise-le par le Saint-Esprit au moyen de la parole pour se fâcher contre les péchés. Soyons en colère contre les péchés dans l'église. Et pas contre les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu hait les péchés dans l'homme. Alléluia. Élie aimait Jézabel. Oui. Puisque c'était un homme de Dieu. Mais les péchés de Jézabel. L'idolâtrie de Jézabel. La mauvaise vie de Jézabel était contraire à la vie de Dieu dans Élie. Alors la vie de Dieu dans Élie haïssait la méthode, la manière de vie de Jézabel. Il faut dissocier les deux choses. Alléluia. Il faut savoir séparer cela. Votre pasteur, votre serviteur, Dieu peut l'inspirer une prédication. Il prend le fouet, il fouette l'église. Ne confondez pas ça que c'est la colère. Ça fait être se soulever contre les péchés. Et chaque fois l'Esprit de Dieu se soulèvera contre les péchés. Et il haïssait le péché. La vie de péché de Jézabel. Amen. Amen. Et nous aussi. Voilà pourquoi nous ne tolérons pas nos sœurs. Qu'elles soient mal vêtues. Qu'elles aient une mauvaise vie. Ah, vous exagérez avec vos remarques. Non. Apana. Chaque fois que tu viendras à l'église, attends-toi que la parole de Dieu te donnera des remarques. Puisque la parole de Dieu, ce sont des remarques, des commandements. Amen. Amen. Des instructions de Dieu pour nous ramener à la ligne. Amen. Et maintenant nous avons compris aussi comment nous, il y a des gens qui ont hérité de l'esprit colérique de la part de leurs parents. Si ce n'est pas de leurs parents, c'est de leurs alliés. Et nous avons compris comme nous sommes nés naturellement, hérité toutes ces choses choses de nos parents. Quand nous naissons aussi dans le royaume de Dieu, par la parole de vérité, l'ancienne vie que nous avons héritée de nos parents est anéantie par l'œuvre de la croix. Maintenant, c'est Christ et la parole, par l'Esprit de Dieu, qui vit à nous. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Et nous tendons vers la perfection. Plus nous écoutons la parole, la parole nous façonne. Mais il faut seulement accepter, laisser à la parole le droit d'agir en toi. C'est seulement dire amen à la parole. Après avoir dit amen à la parole, demande la faveur de Dieu qu'il crée le vouloir et le faire en toi. Amen. Amen. Nous ne voyons pas notre changement physiquement, mais c'est par la foi dans la parole que nous croyons cette parole. Nous reconnaissons l'autorité de la parole. Nous reconnaissons la puissance de la résurrection qui est dans la parole. Nous croyons la puissance qui est dans la parole pour nous transformer comme nous plaçons foi. Et que nous croyons, la parole agit en nous. Amen. Amen. Des colériques que j'étais, je commence à supporter ça. Alléluia. Amen. Je commence à me maîtriser. Comment c'est arrivé? Tu ne sauras pas expliquer. Mais c'est puisque tu as accepté seulement l'autorité de la parole. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, personne n'est immunisé contre l'esprit colérique. Amen. Il dit, et vous qui avez un tempérament colérique? Ça c'est Hébreux chapitre 2. Dans le livre des Hébreux, les prédications des Hébreux, cette série-là, Frère Branham a parlé contre, beaucoup contre les esprits. Et il dit, Hébreux chapitre 7, deuxième partie, 22:9-57, 349. Et vous qui avez un tempérament colérique, écoutez comme il dit, carnassier que vous êtes, quand tu es en colère, les paroles que tu fais sortir, tu es en train de mordre les gens, qui détruit les gens, par tes paroles qui détruisent, tes paroles sont comme des lames de scie. Il faut faire attention. Le chrétien n'a pas de paroles blessantes. Tes paroles, toujours toi, quand tu ouvres la bouche, priez la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Que dans tes paroles, il sort du sel. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes le sel de la terre. Il y a des femmes comme ça. Quand elle ouvre la bouche avec son mari, c'est terrible. Et alors l'homme fuit le ménage. Vous savez, à cette heure-ci, elle est encore là. L'homme commence à passer chez les voisins. Il passe par là. Il fuit les paroles de sa femme. Ma soeur, dans mariage, ancien problème. Frère Franck dit ceci. C'est à la femme qu'il appartient de créer une belle atmosphère dans la maison où l'homme et les enfants se trouvent comme dans le jardin d'Eden. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu a créé le foyer. C'est le foyer pour Dieu. C'est le lieu de repos. C'est le lieu de la communion. C'est le lieu de la jouissance. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi l'homme, vous voyez, il travaille durement pour avoir une femme? Ce n'est pas pour avoir des problèmes. C'est pour, puisque la Bible dit que les femmes sont les délices des hommes. Et les enfants sont les délices des parents. Amen. Amen. Et la Bible continue. La Bible celui qui a trouvé une femme. N'a pas bon. A trouvé quoi? N'a pas a trouvé quoi? A pas le bonheur. N'a pas raha. Et l'église aussi. C'est la femme. Nimuke. L'église. Kanisa. C'est l'endroit idéal pour la paix. Nimaali ya mzuri juu ya amani. L'église. Kanisa. C'est l'endroit idéal pour la communion. Nimaali mzuri juu ya ushiriki. L'église. Kanisa. Frère, tu peux avoir des difficultés au service. Des problèmes dans la société. Des problèmes au bureau. Mambo mais visi. Quand tu viens à l'église, kanisa, tu écoutes la parole. Neno, tu écoutes la parole. Tu sens la consolation. Faraja, tu sens la consolation. Faraja, alléluia. Amen. La tu es remonté. Tu es remonté. Inuliwa, tu commences à dire alléluia. Sema, alléluia. Tu commences à dire merveilleux Jésus. Yesu adamani, c'est l'église. Ni kanisa. Amen. Amen. Il continue à dire. Anendela na kusema. Il dit, vous qui avez un tempérament colérique, par nacier, ba kupenda kumizana, qui avait toujours à la bouche bale, na eno kila mara, ouverte ya kufungua, contre quelqu'un ya mutu fulani, qui n'arrive pas à supporter ula sikata mkufumilia, et des choses comme ça. Na bitu ya izi, faites attention. Usopoke. Alléluia. Amen. Vous êtes coupable. Muko benye kukumiwa. Vous êtes muko ba kukumiwa. Tu parles oh. N'importe comment. Mais attention. Lakini sopoka, le pouvoir est dans la parole. Uwezo iko mimisemo. Il est écrit. Imeandikwa, par tes paroles, kwa yako, tu seras justifié. Utetabiwa haki, et par tes paroles, kwa yako, tu seras condamné. Utahukumiwa. Ah, nilisema tu luangu. J'ai tout simplement parlé. Pastor, il quoi tu kusema na bongo. Dirito kandani. C'était sorti dans. Il est écrit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour cela Jacques, presque toute une épître, il a réservé sur la langue. Amen. Amen. Imaginez un prédicateur qui est là pour déchirer l'église. Il prêche. Il ne fait qu'injurier l'église. Il ne fait que se vanter. Il dit vous tous. Il vous traite de tout et de rien. Laisse-moi te dire. Même un frère qui a commis un péché, on n'a pas droit de le mépriser. Non. Il est déjà dans un trou. Ne l'enfoncez pas. Par la langue, relève-le par la parole. Quand il sera relevé, il comprendra la grâce de Dieu. Il comprendra l'amour. Amen. Amen. Même on nous dit, pour s'adresser au vieillard, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Quand tu t'adresses au vieillard, Timothée, tu dois avoir un langage approprié. Ce n'est pas puisque tu es prédicateur maintenant, tu penses que tu peux marcher sur tout le monde, tu peux parler. Non! D'ailleurs, tu es le modèle des troupeaux. Les langages. Amen. Amen. Il dit, faites attention. Vous êtes coupable. Si vous dites un mot contre votre frère, qui n'est pas bien, c'est pas juste. Si vous allez partout pour démolir, détruire avec la langue, très carnassier que tu es, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation. Alléluia. Amen. Ça c'est, j'avais donné déjà la citation. Tu es en colère là. On t'a fait une remarque. On t'a donné des orientations. Qui sont à la contre des sectes toi tu veux. Les anciens vous appellent en couple. Toi tu avais une certaine position fixe. Les anciens te donnent une position de la parole contraire à comment tu étais déjà parti. Alors tu es fâché à l'intérieur. Tu sors, natoka, tu parles n'importe comment, maizuru, de l'ancien devant ta femme. Unasema mbaya, mbaya, mbaya, mbaya, mbaya, utalipaka, na on ne récolte que ce qu'on a semé. Banavunaka, paka ilo lipanda. Amen. Amen. Apprenons à savoir respecter les autorités. Je vous exhorte, au nom de Jésus-Christ, ne sois pas comme le monde. Le monde ici, il méprise les autorités politiques. Le monde ici, il méprise les autorités religieuses. Le monde ici, il méprise les hommes de Dieu. Vous ne les faites pas. Même nos présidents ici, même si la gouvernance est mauvaise, la Bible ne te dit pas de commencer à parler mal à votre chef. La Bible nous dit de prier pour eux. Beaucoup de frères ont ignoré ça. Même parmi nous les prédicateurs. N'entrons pas dans les mouvements du monde. N'entrons pas dans les systèmes du monde. Surtout les réseaux sociaux là. Regardez les réseaux sociaux. C'est du n'importe quoi. Nous sommes dans une génération où on peut gifler publiquement un président de la République. Où est-ce que tu avais entendu ça, vous les aujourd'hui, quelqu'un peut se mettre là et connaître que le président va passer. Ils ont déjà planifié avec son ami. Le président veut le saluer. Et vous voyez les réseaux sociaux. Non. C'est ce que Branham avait vu parmi les sept grandes visions. Que à notre temps, la moralité du peuple sera trop bas, C'est ce que nous vivons. Et nous disons, Branham, Dieu avait parlé avec toi. Regardez l'impolitesse dans les assemblées. Regardez l'impolitesse dans nos foyers. Regardez nos filles. Elles se marient aujourd'hui. Après deux semaines, vous apprenez qu'elle s'est bagarrée avec son mari. Non! C'est la, regarde la moralité. Bon, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et nous avons compris toutes ces choses. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous assiste. Amen. Écoutez-moi très bien. Si tu sens que tu as un tempérament colérique, la seule chose que tu peux faire, ta victoire, je me répète, c'est d'accepter. Je suis colérique. Après avoir accepté cette étape, là tu as eu ton remède. Moi, autoritaire. Je suis très autoritaire. Après avoir accepté cette étape, là tu as déjà eu le remède pour toi. Même le péché. Si tu cachais le péché, et ça va te lier davantage. Mais si tu reconnaissais avoir commis le péché, déjà c'est déjà une voie de sortie pour toi. C'est lui qui avoue ses péchés. Et le délaisse, obtient miséricorde. Même quand tu pars chez les anciens, ils ne feront rien tant que tu ne reconnais pas tes torts. Toi, tu as toujours raison devant les anciens. Ta femme aussi a raison devant les anciens. Vous pensez que les anciens, c'est Dieu? Ils sont limités. Seul Dieu connaît la profondeur de cœur. Est-ce que vous me suivez? Acceptez. Moi, je suis Et mieux tout vile tout jomina quoi. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Tu vas rester tel que tu es. Mieux il est tout ni bongo yangu. Moi c'est ça même. Mieux ni bongo yangu. Moi c'est ça mon point faible. Moi qu'un abongo. Tu n'as pas été créé avec le mensonge. C'est le diable qui t'a perverti. Alors pas mon corps au pindu pindu. Amen. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu nous ouvres à Mungu. Vous savez, Moïse Moussa était colérique. Alikuwa. Et Dieu lui a donné une femme, Séphora, aussi colérique. Namungu alimupa muke Séphora naye vile vile wa Bisilani. Maintenant, écoutez bien. Sasa msikilize vizuri. Tu es colérique. Wako wa Bisilani. Ta femme colérique. Mke wako wa Bisilani. Accepte. Itikia. Que tu es colérique. Ya kama wako wa Bisilani. Dada naye. Accepte. Aitikia. Elle est aussi colérique. Yeye ni wa Bisilani. Quand vous avez déjà accepté. Wakati mnaisha kuitikia vile. Quand quelque chose va commencer. Wakati kimo kitanza. Eh Mungu mimi na kaka wa Bisilani. Moi j'ai toujours été colérique. Unisaidie hapa sasa. Aide-moi maintenant. Hapa sitaweza. Maintenant je ne peux pas. Lakini uniwezeshe. Mais fais-moi réussir. Déjà ulishapata victoire. Là tu as déjà eu la victoire. Ulishapata ushindi. Maintenant aussi. Sasa vile vile. Tourno. Tugeuze sasa. Ton tempérament. Hali yako ya kutenda. Si utilize bien. Kama unatumia mzuri. Pete sove. Inawezi kukokoa. Amen. Amen. Ton tempérament. Hali yako ya kutenda. Si tu l'utilises bien. Ukaitumia mzuri. Si tu le laisses entre les mains de Dieu. Ukaiacha mikono ya Mungu. Il va faire des exploits. Atafanya maajabu. Moïse était dans une situation précaire. Musa alikuwa mumambo moya mbaya. Dieu avait ordonné qu'on puisse circoncire leur fils mâle. Mungu aliamuru wapate kutahiri watoto wote wanaume. Moïse avait oublié de le faire. Mungu alisabaka kufanya vile. Dieu est venu. Mungu akakuja. Dieu honore sa parole. Mungu anaheshimiaka neno lake. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses. Mwenye kwa mwaminifu vitu vidogo dogo, eko tena mwaminifu vitu vikubwa. Dieu est descendu. Mungu akashuka. Dieu était prêt de tuer Moïse. Mungu alikuwa tayari kumuua Musa. Séphora. Séphora. A utilisé son tempérament. Akatumia hali yake ya nguvu. Elle a pris une pierre. Akabeba liwe. Elle a mis le prefix de son. Beba kangozi ya mtoto yake na kakatairi na katupa ngozi damu za mwandika akasema woko bwana wa damu juu yangu dia vile sa Mungu akaona damu na Mungu akaifuta Musa. Est-ce que vous m'avez suivi? Eti unanipata? Elle a utilisé quoi? Alitumia nini? Son tempérament. Hali yake. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mu pamoja na mie. Si c'était une femme fleuve. Kama ilikuwa mwanamke wasiokuwa na nguvu ndani ya ndani. C'était fini pour moi. Ilipaswa kukomalizika ile siku njoo ya Musa. Shukuru Mungu kisha alikumbuka. La manière dont il t'a créé. Est-ce que mko mnanielewa? Est-ce que vous me comprenez? Mungu aliniumba hivi. Dieu m'a créé ainsi. Unajua na madhaifu yangu. Tu connais mes faiblesses. Je t'abandonne mes faiblesses. Ya uyatumikishe. Tu les utilises. Selon ta volonté. C'est Branham qui l'a dit. Branham jo anasema vile. Il dit, elle a coupé la prépice. Akakata ngozi de ton fils. Bwanaume mtoto wake. Elle a jeté devant Moïse. Akatupa ile mbele ya Musa ngusema hivi. Si pour moi et mari de ça. Wewe uko mbele yangu mume wa damu na Mungu. Akapita juu. Bibi yako anaweza kukuokoa. Ton épouse peut te sauver. Bibi mwenye Mungu alikutia maisha. L'épouse que Dieu t'a donné dans ta vie. Haiko objet. Ce n'est pas un objet na kitu. Ce n'est pas une pierre. Ce n'est pas un arbre. C'est quelque chose de très précieux. Inaide semblable à toi. Là où tu ne peux pas, Mungu anatie yeye atakuwezesha. Dieu l'anise pour te faire réussir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes? Si Séphora n'avait pas intervenu, comme Séphora, en utilisant son tempérament, c'était fini pour Moïse. C'était fini pour Moïse. Bien-aimé, tu pars au travail. Unaenda mkazi. Tu gagnes l'argent. Unapata franga. Ta femme reste à la maison. Ukiwa kwa anawatia kunyumba. Wewe toi qu'est-ce que tu fais ici là quoi? Huko mafanya nini? Qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Moi je suis devenu comme le soleil. Mimi nakuwa sa jua. Toujours donner le rayon. Kama anapaka kuangaza, kuangaza. Même le soleil se fait. Hata yeye yenyewe anachokaka. Je t'informe frère. Ninakujulisha ndugu. Si on te laisse à la maison un jour. Baki kuacha kunyumba siku moja. Laisse les assiettes. Kufule ufanye usafishe mavazi, masani, wangaikie watoto. Tu vas fuir la maison. Utakimbia nyumba. Puisque tu n'as pas cette capacité. Aona na ile uwezo. Cette capacité. Ile uwezo. Dieu l'a donné au Mungu alipatia yo wanamuke. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Amen. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Maintenant. Sasa. Quand quelqu'un se met en colère contre. Wakati mtu anakushirikia wewe. Que dit la parole? Andiku neno la Mungu inasema nini? Une parole douce. Neno ya upole. Calme l'affaire. Inatuliza hasira. Il se pourrait que vous êtes en conflit. Inawezekana mko katika makokotano. Oui, indifférent. Wala kuna kwa mambo fulani ya mpatani. Entre époux et épouse. Kati ya mke na mume. Entre homme de Dieu. Kati ya watumishi wa Mungu. Entre frère et frère. Kati ya banduku. Entre sœur et sœur. Kati ya badada. Comment tu vas te comporter? Sasa utajiongoza je? Écoutez le conseil de l'homme. Vous faites shauri ya mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Où que vous alliez. Fazi gani unawezi kwenda? Kokote kule utaenda. Kokote kule unawezi kwenda? Placez Dieu. Uweke Mungu. Amen. Amen. Où que vous alliez, placez Dieu. Où est que Mungu. Si un homme se met en colère contre toi, ou vous injurie, et vous traite de tout et de rien, placez Dieu entre vous et lui. Si vous observez ces maximes, vous allez réussir. Mon frère, yangu, ma soeur, dada yangu, kwenye kuko miti mbili inagongananaka. Là où il y a deux arbres, ça se cogne toujours. Mais Mungu alitupa akili. Mais Dieu nous a donné de l'intelligence. Nous pouvons nous cogner. Tujue jinsi ya kutengeneza. Comment arranger. Jinsi ya kutia kilalo. Comment mettre le pont de la réconciliation maintenant. Kama unaona mwenzako anapanda na pale. Tu vois ton frère en train de monter. Wewe shuka. Toi descends. Unatia Mungu. Là, tu as laissé la place à Dieu. Est-ce que vous m'avez suivi? Mungu wetu unanifuata? Ceci s'emboîte avec les critiques. Oui, et la rétribution dit l'Éternel de la vengeance ne t'appartient pas. La rétribution ne t'appartient pas. Oh, quand nous étions fiancés, là, mes belles-sœurs ne voulaient pas de moi. Mais là, comme je suis là, je vais les montrer. Tu vas rater ce foyer. Tu vas détruire ce foyer. Tu ne peux pas séparer les gens. À cause du mariage. Le mariage c'est pour unir les familles. Et non pour les diviser. Placez Dieu. Où est que Mungu? Et j'ai aimé quand Frère Mwamba a expliqué, quand j'ai parlé à ça. Lui aussi il est parti dans l'autre angle. Même. Puisque nous nous complétons. Il a dit, vous voyez l'application que Baizir a dit. Beaucoup aussi ont dit Amen, mais ils n'ont pas bien compris. Quand quelqu'un se met en colère contre lui, quelqu'un s'injurie, quelqu'un traite de tout et de rien, placez Dieu. On dit Amen, mais ils n'ont pas bien compris. Maintenant, Bamingi n'est. Ça beaucoup c'est comme ça. Bon. Ça. Et vous n'en avez pas vu. Tel que tu m'as traité ainsi. Mungu. Dieu. Sunaol. Avez-vous, tu as vu? Mina kutia katikati yangu mina yeye. Maintenant, je te mets entre toi et moi. Si ta kusalimia kati. Je ne pourrai plus jamais te saluer. Mungu ameona. Dieu a vu. Ce n'est pas ça. Aina njovile. Placez Dieu. Weka Mungu. Entre toi et celui qui t'a offensé. Placez Dieu. Weka entre Mungu. Entre toi et celui qui t'a injurié. Kati yako wewe na ule alikutukana. C'est être comme s'il ne t'a rien fait. Ni kufanya ça, asikufanya kitu kibaya. Amen. Il ne t'a rien fait. Asikufanya kitu. Maintenant Dieu. Quand c'est dans cette attitude-là, Dieu agira. C'est là où soit. Dieu change l'ennemi de devenir ami. S'il voit qu'il veut te détruire, Dieu s'occupera de cet homme-là. Est-ce que vous m'avez suivi? Mungu hata kuyaka kukusaidia. Lorsque tu t'aides toi-même. Mungu iko na nguvu. Dieu a la force. Hataki umusaidie. Et il ne veut pas que toi tu puisses l'aider. Naye atakuwa msaada. Et lui sera aussi ton secours. On te maltraite à la belle famille. Placez Dieu entre toi et moi. Où est que Mungu katikati yako? Où est que Mungu yako? Amen. Ils viennent à la maison. Bana kwa kumulango. Donne à manger si yamani. Si t'akula kama t'akula kwako. Recevez-le avec amour. Wapokee na mapendo. Alléluia. Amen. Et laissez Dieu faire son travail. Acha Mungu afanye kazi yake. Les ministres, les hommes de Dieu comprennent très bien cela. Batumishi ya Mungu wanaelewa vizuri hii maneno. Narudia tena. J'y reviens. Et j'y reviendrai. N'antarudia potena. Ne t'oppose jamais à un homme de Dieu. Apana kupinganishana na mtumishi wa Mungu. C'est le cimetière des frères et sœurs en Christ. Ni makaburi ya banduku na badada katika Kristo. Dieu jalouse ce qui le sert. Mungu je ne laisse pas les hommes Michi de vous faire valoir ce que Dieu dit. Dieu travaille dans le respect. Mungu Dieu travaille dans l'estime. Mungu et Dieu travaille dans le confiance. Katika tumaini na batumishi yake. Amen. Amen. Il est écrit, imeandikwa, il regardera utangalia, les sacrificateurs ou les lévites qui manipulent le feu sacré moto comme saint devant l'éternel. Mbele wa amen. Amen. Si un homme se met en colère, et vous injurie, placez Dieu entre vous et lui. Si votre femme se met en colère contre vous, placez Dieu entre vous et lui. Si les enfants vous agacent, placez Dieu. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, placez Dieu, l'influence d'un autre. Du 13 octobre 1962. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi, ma soeur? Ma soeur, dada yangu, laisse-moi vous donner les conseils de ma vieille maman. Acha nikupatie shauri ya ngambo yangu mwanamke. Elle le disait toujours. Alianza kusema kila mara. Elle continue à le dire. Na iko naendelea na kusema. Elle dit ceci à nos femmes. Anasema hivi na babibi yetu. Oh, vous voyez vos enfants, vos garçons. Il dit, ma fille. Akasema binti wangu. Une sage femme. Mwanamke wa hekima. Elle est équipée d'une gourde d'eau. Eko na mtungi ya maji. Une bouteille. Dans le mariage là. Mundo wa mule. Ne manquez jamais une bouteille d'eau. Ushikosake kamwe chupa ya mai. Quand vous aurez un différend avec votre mari, nous les femmes, nous sommes faibles. Si banamke, tuko bazaifu. Reconnaissant notre faiblesse. Mais kutambua udhaifu yetu. Et la bouteille d'eau. Uwe na chupa ya mai. Quand vous aurez un différend avec votre mari, na makokotano fulani na bwanako, mettez l'eau dans la bouche. Weka mai mukinyu. Ton mari va parler. Atasema. Va parler. Atasema. Tu es rien. Awe, je ne comprends pas comment je t'ai épousé. Il dit tant que l'eau est dans la bouche. Anakasema, wakati yote maiko mkinywa yako. Il ne va pas parler. Autasema. Avez-vous compris cette sagesse-là? Hekima. Encore les sages se nous disent. Hekima vengine kwetu wanasema hivi. Kinywa. La bouche. Inapikishaka matako. Fait frapper les fesses. Ça y est, Nanzali. Qu'est-ce qu'il y a commencé? Une chicote, deuxième chicote. Et puis c'est la bouche qui commence aussi, la première à crier. Alors que c'est la bouche qui a taquiné et on est venu chicoter les fesses. C'est ce qui est écrit dans Jacques. C'est ce qu'il y a dit comme Jacob. Oulimi. C'est le monde de la gêne. Ni Oulimwengu Yagena. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Est-ce que vous allez placer ce conseil? Eti mtatumikia hii mashauri? Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Qu'il te rende capable. Akupatie uwezo. Quand il y aura des problèmes. Wakati utalamuka mambo. Entre toi et l'offensé. Katika wewe na ule anakosea. Uweke Mungu katikati yenu. Laissez les choses à Dieu. Umwachie Mungu mambo. Amen. Amen. Kondolo hajigombani yake. La brebis ne se débat jamais. On l'a toujours défendu. Que Dieu nous aide à comprendre. Mungu, tu t'as dit, tu pas la tempérance signifie manayake, comment contrôler votre langue. Namna gani kuongoza ulimi wako. Ne pas être une commère. Comment contrôler votre tempérament. Ali yako ya et dani. Ne pas vous emporter chaque fois. Na usikwe mtu akubeba kila wakati. Que quelqu'un vous a parlé en colère. Mtu alikusema na wewe mubishilani. Oh, et la tempérance. Kujizuiza. Comment répondre gentiment. Namna gani kujibu na lorsqu'on wema, vous parle avec dureté en colère. Kusema na ukali na hasira. Ne bondissez pas aussi. Arrêtez ça les mains. Non. Voyez-vous. Unaona? Ne faites pas cela. Vila, eh. Demandez l'assistance de Dieu. Mungu, le Saint-Esprit. En toi. Yako, te donnera comment. Atakuonesha namna ya kutenda. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est toujours l'influence d'eux. Ni paka umahubiri uvuto ya mtu mwingine. Amen. Amen. Maintenant, mes chers frères. Sasa wangu wapendwa. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses. Bwana msaidie mpate kuelewa imani. Maintenant, allons pour chuter. Sasa twende njoo kuisha. Je vais vous parler. Napenda kumionyesha de la colère. Njoo ya kasirani. Qui presse les conducteurs. Ile kuna songa wa watumishi. Moïse. Musa. Était un bon conducteur. Alikuwa mwongozi mzuri. Un homme appelé par Dieu. Mtu mwenye kuitwa na Mungu. Un homme qui a fait l'expérience avec. Mtu alifanya onjo na Mungu. Mais Moïse. Lakini Musa. Son penchant naturel. Tegemeo yake ya asili. Lui faisait commettre des erreurs. Ilianza kumfikisha tende makosa. Moïse quand il a fait sortir le peuple d'Égypte. Musa wakati alitosha taifa mumisri. C'était dans les chants de gloire. Ilikuwa katika nyimbo za furaha. C'était dans la joie. Ilikuwa katika furaha. La joie totale. Furaha ya utele. C'était dans la reconnaissance. Ilikuwa katika shukrani ya utele. Le peuple faisait confiance en Moïse. Ilikuwa namtumainia Musa. Et Dieu était avec Moïse. Mungu alikuwa pamoja na Musa. Amen. Amen. Il passe le désert. Soyez attentifs. Ils arrivent quelque part. Le peuple a besoin de connaître la parole de Dieu. Puisqu'il était maintenant. Que Dieu puisse écrire ses lois sur des tablettes pour les instruire le peuple. Chaque fois, c'est Moïse qui venait, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Dieu a changé. Moïse venait à la montagne. Alléluia. Amen. Moïse a fait un temps considérable à la montagne. Dieu lui a pris des tablettes. Dieu lui-même a écrit a par la main de Dieu. Kwa mkono wa Mungu, premier commandement, deuxième commandement, pili, troisième, amri za tatu, jusqu'à dix commandements. C'était pourquoi, nini, pour instruire le peuple, comment marcher avec namna Dieu, ya kutembea na comment Mungu, plaire Dieu. Namna ya si Mungu, sans oublier les signes, dit le Seigneur, ka, bala, sabwa, ils peuvent aller auprès de ta mère et lire ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse descend avec Moussa Akashuka, les deux tablettes. Na mbili, parole de Dieu. La Moïse dans la gloire de Shekina. Shekina. Il était dans la joie. Maintenant Dieu m'a aidé. Nous aurons maintenant. Pas chaque fois, je peux dire, voilà, Dieu a dit. Il a approché le camp du peuple. Moïse, écoute la voix. Le bruit. Makelele. Il a le discernement. Il sait que il dit. Ce n'est ni le cri, ni le vaincu, ni le vainqueur. Moïse a compris que le peuple s'est corrompu à son absence. C'était correct. Il quoi sawa, vile vile. Mais le penchant naturel de Moïse. Lakini tegemo ya bumuntu ya Musa. Est venu. Ika kuingia, kamuingia. Moïse. Musa. Avec le remède du peuple. Alikuwa na dawa ya batu. Est-ce que vous me suivez? Il prend les détails. Akabebe le mawe mbili. Saisi par une colère violente. Na kasirani ya nguvu. Il jette. Akatupa mawe. Il casse tout. Akavunja vyote. Peuple courroende. Taifa bato machimo. Vous ne voulez jamais obéir à Dieu. Je suis fatigué de vous. Mina choka na mwe. Moïse a cassé. Musa akavunja. Et c'était la loi de Dieu. Na ilikuwa ndio sheria ya Mungu. Dieu n'était pas content. Mungu akufurahiwa pana. Mais Dieu, lakini Mungu, qui est riche en bonté, mweka mutajiri mwema, riche en miséricorde, là la colère, mwenye asira umepesi mkusirika, après un temps il dit à Moïse, kisa muda fulani akasema na Musa, remonte à la montagne, panda tena kumulima, alléluia, amen, remonte, panda tena, Dieu nous comprend, Mungu akonetuelewa, mais ne lasse pas Dieu, lakini musimuchoshe Mungu. Moïse rentre à la montagne. Musa, Dieu crie encore. Mungu akaandika tena. Il écrit ce qu'il a dit à Moïse. Akaandika ile alimrudisha Musa. Moïse revient. Musa karudia. Alléluia. Amen. Moïse revient. Musa karudia. Il commence à instruire le peuple. Akaanza kufundisha taifa. Voici la parole de Tazameni Dieu. Sur tel point voici. Pa mambo fulani tazameni. Pa mambo fulani tazameni. Le peuple était dans la joie. Watu walikuwa katika furaha. Et tout était bien. Na yote ilikuwa sawa. Et le peuple faisait confiance. Na watu walikuwa wanamtumainia Musa. Mais le penchant naturel. Est revenu. Le peuple avait besoin de la nourriture. Moïse, Musa, donne-nous à manger. Donne-nous à manger. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Quand nous étions assis sur le pot de viande, de concombres, et dans son lèvre, nous étions bien en Égypte. Est-ce qu'ils étaient bien réellement? Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Bakasaba bote Mungu alifanya. Moïse, Musa, comment? Sawa mutu, il a laissé son penchant naturel. Il était fâché. Akashirika. Mais Dieu dit à Moïse. Lakini Mungu akasema na Musa. Viens. Kuya. Parle-moi de mes doléances. Mahitaji yabo. C'est là où nous commettons les erreurs. L'église ne nous appartient pas. Kanisa, aina yetu. L'église appartient à Jésus-Christ. N'aimez pas l'église. Jusqu'à t'épuiser. Tu commences à être stressé. Le nez à membre de la Kanisa. Les affaires de l'église. Amène-les à Jésus-Christ. Moïse va auprès de Moussa kaenda kwa Mungu. J'ai dit qu'est-ce qu'ils ont Mungu besoin? Kasema, banahitaji nini? Ils ont besoin de la nourriture. Lazima chakula. J'ai dit ok demain. Mungu kasema, sawa, kesho. Grand rendez-vous. Tu t'apprêtes à la question. Je vais leur envoyer la nourriture. Ça va te mettre à couler. Pour une vie avec vous. Vous êtes à la foura. Ainsi dit l'Éternel. Dieu va vous donner la nourriture. Le peuple a dit. À quel moment? Vous connaissez devant la farine. Hein? Ah, nous descendons glicatine. Toutes ces courses que vous voyez là. C'est autour de la farine. Hein? Grand défi de terre. Dieu a fait pleuvoir la manne. Ils sont tombés sur. Oh, la grâce de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Ça, oh, c'est le premier quand tout va bien. Moi, mais faut devenir la manne, il disait, manne où? Ça, c'est quoi? C'était une nourriture. Il a pas à capane. C'est passé. Il capita. Après un temps, oui Moïse, Dio Moussa, nous avons mangé. Tunakula. Mais où est l'eau? Mai, api. On a besoin de l'eau. Lazima na avez-vous déjà vu quelqu'un manger sa voix? Moïse, de l'eau. Moussa, de l'eau. Mai. C'est ce que je vous ai dit. Le conducteur doit vous faire attention avec la pression. La sœur vient. Son point. L'autre sœur vient. Le frère vient. Le besoin de l'assemblée. Lui-même, il a les problèmes de sa famille. Et lui-même a ses problèmes. Il porte une charge. Et c'est une pression. Est-ce que vous me suivez? C'est le moment de faire attention. C'est le moment où la colère est là. Puisque tu sens l'incapacité de résoudre. Quand tu sens que tu es incapable de résoudre le problème. Le sentiment le plus proche, c'est la colère. Au lieu de t'énerver, mets-toi à genoux. Parlez à Dieu. Dieu a prévu la prière. Pour ce que toi tu es incapable, tu puisses l'appeler. Ne sois pas soucieuse. Parlez à Dieu. Moïse vient. Soyez attentif. Dieu. Mungu. Encore. Ils ont mangé. Balikula. Ils ont dit que tu es Yahweh El Shaddai. Yahweh El Lion. Mais ils commencent à penser encore à l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'eau. De l'eau. Mai. L'eau. Mai. Allez. Va leur dire. Demain. Qu'est-ce qu'ils viennent? Bakui. Je serai sur le rocher. Mwamba. Ce n'est pas le rocher qui avait donné de l'eau. C'est Dieu qui était sur le rocher. Ce n'est pas le prédicateur qui t'est venu. C'est Dieu dans le prédicateur qui te parle. Quand vous ne priez pas pour le prédicateur, n'attendez rien. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Dieu dit à Moïse, Mungu akasema na Musa, je serai sur le rocher. Juu ya mwamba, écoutez-moi bien. Munifuate mzuri. Soyez attentif, Moïse. Wasikilivu kanisa. Je connais que tu as un penchant colérique. Et les hommes colériques sont des revers. Na bantu babishilani balagala bakulota sana. Tu vas frapper le rocher. Tu vas frapper le rocher. Utapika mwamba. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti munanifuata? Moïse. Musa. Vous. Mwe. Demain. Kesho. Dieu va amener de l'eau. Tout le monde était là. Moïse a frappé l'eau. Mwamba. Le bois. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de Moïse. Moussa. Notre pasteur. Pastor wetu. Notre ministre. Wetu. Dieu nous a donné de serviteurs. C'est ça vos affaires. A qui cotola qui dort. Et s'il fautait un peu. Nous pensions que c'était un enfant de Dieu. Alors que c'était un serviteur du diable. Il a changé, maintenant il est devenu du diable. Ils ont bu. Après un temps. Qui t'a mouda flani? La soif encore. Qui outen? Ils mangent. Banakula. Des perdrix. Bankanga, qui sont venus d'Inéa. La nourriture de Dieu. Ils sentent les besoins de boire. Moïse, donnez-nous de à boire. Donnez-nous à boire. Moïse dit, vous m'agacez. Vous me dérangez. Si j'ai un Dieu pour vous donner de l'eau. Ce n'est pas ton peuple. Aina watu wako. Moïse parle. Moussa ka, Seigneur, vous les connaissez. Unabajua. Ils ont un cœur dit. Ils sont des courroies. Ils sont des incrédules. Ils oublient facilement. Seigneur, Buana. Je ne peux pas porter seul ce peuple. Je ne peux pas porter seul ce peuple. C'est mon peuple. Dis-moi qu'est-ce qu'il veut. De l'eau. Mai. De l'eau. Mai. Mais je t'avais déjà encore donné de l'eau. Si pour passer la du demain. Kesho. Demain. Kesho. Venez encore au rocher. Je serai au rocher. Mitakwa. Soyez prudents. Mwerevu. La colère. Kasirani. C'est un homme rêveur. Nimuntu Moïse est parti au rocher. Musa alienda kumwamba. Est colérique. Mwenye kushirika. Dieu dit, Mungu akasema, parle au rocher. Sema na mwamba. Comme Moïse est venu là-bas. Samile Musa alikuwa kule. Même si l'onction là. Il est fâché contre son collègue serviteur. Il a déjà rangé des citations. Et un titre approprié. Contrôle ton ta colère. Il est parti là-bas. Dieu a dit. Mungu alisema, par sema au rocher. Na mwamba. Moïse frappé. Deux fois le rocher. Marambili mwamba. Il a interprété les plans du Seigneur. Alitafsiri mapo ya ukovu. Mal interprété. Alitafsiri mubaya. Christo était ce rocher là. Alikuwa ndio ile mwamba. Il ne devrait pas être frappé deux fois. Hakuwezi kupika mara mbili. Mais une fois pour les salis de tous. Lakini mara moja tu ndio ukovu ya wote. Par la colère. Mkasirani. Saisi par la pression du Seigneur. Mwe kushiko na kusonga abatu. Par la colère. Mwasira. Il est monté là-bas. Akapanda kule. Au lieu de parler. Bali ya kusema. Il a frappé. Ya kapika. Dieu, Mungu, il est fidèle à sa parole. Et comme on me dit pour une anolaque. L'eau est sortie. Mais il toca. Le peuple a dit. Taifa likunywa. Moïse aussi a dit. Mutana ya likunywa. Ça termine. Kamalizika. Ça termine. Namalizika. Le peuple danse dans les camps. Watu wanacheza mukampi. Le peuple danse. Watu wanacheza mukampi. Dieu, Mungu. Moïse vient. Musa kuja. Viens. Kuye. Regarde. Regarde kule, angalia kule, tazama kule, unaona nini? C'est quoi? Ni nini ile? Le pays de la promesse. Mutia malako. Ok. Sao. Tu ne diras pas que je t'ai menti. Aota sema sema ni kulanda. Tu as bien vu. Unaona mzuri. Comme tu n'as pas voulu. Stabila ukupendi. M'honorer devant le peuple. Kunyeshimisha mbele taifa. Tu n'as pas voulu sanctifier mon nom. Akupenda kutakasa jina langu mbele taifa. Tu as dit par colère. Ulisema mkatani. Mtaona mbie na Aruni. Nous allons vous faire sortir l'eau. Mtamitoshia mali. Vous les incrédules. Wewe kutokuamini. Tu n'entreras pas. Aota ingia hapana. Moi l'Éternel j'ai dit. Miwa milele minasema. Là Moïse. Pale Musa. Ne pouvait rien dire. Akuwezi kusema kitu. Dieu lui a toléré d'avoir déchiré. Mungu alimvumilia kisha kupasula. Les tablettes. Kupasula mawe. Dieu est passé. Mungu alipita pale. L'Éternel, l'Éternel. Wa milele, riche en bonté. Mutajiri katika wema. Riche en misère. Mutajiri murema. Là la colère. Ana mwepesi kusirika. Dieu est revenu donner deuxième. Mungu akarudia kuleta mara ya pili. Moïse. Musa. Par la colère. Mkasirani. Il faisait valoir ses penchants humains. Alikuwa hapo anategemea mategemeo yake Mungu. Et Dieu était clair. Le peuple m'appartient. Taifa ni yangu. Et Moïse a vu que Dieu était la solution. Aliona kwamba Mungu ndiye alikuwa jibu. C'est là où beaucoup de prédicateurs. Ndio pale wahubiri wengi wanaangukia. La colère de l'homme. Asira ya mtu. Na comprend pas la justice. Haitimizake wapi. Est-ce que l'eau n'est pas sortie? Et si maji haikutoki? L'eau est sortie. Maji ilitoka. Mais Dieu était fâché. Lakini Mungu alisirika njoo ya Musa. Chef prédicateur. Wapendwa wahubiri. Chef conducteur. Wapendwa waongozi. Attention avec le pouvoir. Usipoke na uwezo ya Mungu. Quand Dieu te donne le pouvoir. Lakini Mungu anakupatia uwezo. Ce n'est pas pour te faire valoir. Aina tu kujipatia wewe bei. C'est pour faire valoir la parole. Ndio kuleta bei kwa neno la Mungu. Dieu. Mungu. Surveille nos mouvements. Eko na kesha na kuangalishita mambo tunafanya hapa Mungu. Non, non, que sa parole. Eko na kimya paka neno lake tu. Moïse Moussa n'a pas honoré Dieu. Et Dieu en avait mal. Na Mungu alikuvumilia pana. Dieu a dit, tu n'entreras pas. Hautaingia pana. Na Moussa sikuingia pana. Maintenant le Dieu riche en bonté. Sasa Mungu mtajiri mrehema. Satan voit l'occasion. Anaona sasa bahati. C'est l'occasion maintenant. Dieu bahati sasa. C'est Moïse m'a fait dire mal. Moussa alinyonifanya mubaya. Satan veut t'emballer du corps de Moïse. Ya Moussa. Dieu Mungu, il est fidèle. Eko maminifu. Il n'est pas un fils d'homme. Ana pour oublier tout ce qu'on a fait pour lui. Dieu dit à l'arcade, descends, je vois le corps de Moïse descendre à Dieu. Ma soeur, mon frère, yangu, la colère Katirani, peut te faire rater beaucoup de choses, mais ne peut pas détruire le salut. Lakini haiwezi kuharibu wokovu ya Mungu ndani yako. Écoutez-moi très bien. Unisikilize vizuri. Que tu sois prédicateur, uwe mubiri, que tu sois ancien, uwe mzee, que tu sois diacre, uwe shemashi, que tu sois, je ne sais pas, prophète, uwe sijue nani, nabii. Dieu ne confirme pas la colère de l'homme. Mungu atakikishaki katirani ya mutu. Dieu n'agrée pas la colère de l'homme. Mungu asikubali katirani ya mutu. La colère te détruit. Katirani kuna kuharibu. Ta colère katirani yako te fait manquer beaucoup de bénédictions. Iko inakufutisha mabaraka ya mingi ya Mungu. Ta colère katira yako te tavili. Iko inakufushusha wewe na kuharibisha. Iko inakufedheresha. Mais si tu t'humilies devant lakini ukijinyenyekeza mbele ya Mungu, Dieu va te glorifier. Mungu atakutukuza. Alléluia. Amen. Et maintenant, na sasa, pour terminer, Dieu a kumaliza, dans la Bible, na Biblia, on nous parle d'un événement Dieu a mandamano moe, qui s'était passé. Ile lipitikaka, Jacob Yakobu, a été un résident. Alikuwa mkaji wa fazi fulani chez les Shishemites. Kule kwa Shishemites. Amen. Amen. Quand Jacob était chez les Shishemites. Wakati Jacob alikuwa kule kwa Shishemites. Ils ont résidé là-bas. Walipangia kule. Un jour la fille de Jacob. Siku moja binti wa Yakobo. Voulait aussi sortir pour aller voir ce qui se passe dehors. Alipenda naye kutoka aone mambo yanapitika pale nje. Amen. Amen. Alors la fille comme elle allait. Na pale binti alikuwa mkwenda. Amen. Amen. Elle a joué avec les autres. Akacheza na wengine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lakini nini lipitika? C'était dans Genèse 34. Je ne vais plus lire. C'est Dina et les Shishemites. Soyez encore prudents. Le fils de Shishem. Il voit Dina. Dina. Une très belle fille. Mwanamke mrembo. Il l'a aimé. Akampenda. Il l'a pris de force. Akambeba kwa nguvu. Il l'a violé. Akatembea naye kwa nguvu. Alléluia. Amen. La loi de Dieu de force. Sheria ya Musa nakataza, ya Mungu nakataza, na sheria ya Mungu nakataza. Après avoir commis la faute. Kisha kutenda kosa. Il parle auprès de son père. Akaenda sasa kwa baba yake. Baba, nilitenda mbaya. Mais j'aime cette fille. Lakini nampenda huyu binti. Il parle chez Jacob. Akasema akaenda kwa Yakobo. Avec son père. Na baba yake. Il descend. Bakajishusha. Pardonne-nous. Utusamehe. Notre fils Tamani. Mtoto wetu mwanaume alitenda mubaya. Pardon, pardon. Usamaha, samani, samani, uturehemu. Utufanyie neema. Utulombe bibi yote utapenda. Tutaitimiza. Hata amani kubwa tutalipa. Na tunalomba msamaha. Jacob commenta en nom de Dieu. Jacob sa mtumishi wa Mungu. Il dit je pardon. Akasema na samehe. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti munanifuata? Soyez comme Jacob. Mueta Yakobu. N'importe quelle offense. Aizuru mkosa gani banakukosea? Pardonnez. Usamehe. Le fils de Jacob. Batoto Yakobu banaume. N'était pas là. Abakwacheko. Il vient du champ. Banatokea mashamba. On les rappra. Bakabajulisha. On a violé votre sœur. Balitembea kwa nguvu na dada yenu. On l'a traité comme ceci. Balimutendea hivi. Chose grave. Kitu kiatari. Son père. Baba yake. Et son fils. Na mtoto wenu akakuwa kuona baba yenu. Et votre père. Na baba yenu. Il a pardonné. Akasamehe. Eh? Kweli. Il a fait quoi? Alifa nini? Il a pardonné. Aliwa samehe. Ils sont venus devant les baka kwa bele ya baba yao. Est-ce que vous voyez l'amour filéo? Eh, tunaona mapendo sasa kimui ya kimuli. Est-ce que tu te vois quand on a violé ta sœur? Eh, tunaona wakati wanaharibu bakita baba yako. Namna gani unatetemeka kana kasirani? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Mambo kalipitiko. Il y a ça, ça. Mambo ni hivi, mambo ni hivi, mambo ni hivi. Kufuata na sheria ya Mungu. Selon la loi des anges. Kufuata na sheria ya Baba, mambo hukumi. Lakini barijikusha. Bakalomba usamaha. Je suis un homme de paix. Mimi niko mtu wa amani. Niko mtu wa Mungu. Je vis ce que j'enseigne. Ninaishi mimi na kufundisha. Je marche avec le pardon. Ninatembea na usamaha. Na upatanisho. Je leur ai donné le pardon. Niliwasamehe. Ils ont demandé pardon. Bakalomba huruma. Ah. Kweli. Ok, ça va. Mzuri. Bon. Nous nous acceptons. Est-ce que vous avez vu comment j'ai changé le regard? Nous acceptons. Tout. Bon, papa. Bab. Comme tu es spirituel là. Et que tu es un homme de Dieu. Comme tu es un bon. Nous, on y ajoute une condition. Si tu n'as pas qu'un moja. Comme ce sont des incirconcis. Nous, on ne peut pas donner notre sœur aux circoncis. Dites-les d'être comme nous. Qu'ils soient circoncis. Le papa dit. Baba kasema. Ça c'est la moindre des choses. Il dit kitu kidogo. Mon pardon est plus puissant que ça. Yangu ya nguvu zuliko ta hilo na lomba. On appelle le système. Bakaita système. Voici la condition. Kanuni yoi. Je ne suis pas seulement si j'ai des amis. Na batoto yangu. Nous voulons la paix. Tunapenda amani. Nous voulons vivre ensemble. Tunapenda kuishi pamoja. Soyez circoncis. Mutairiwe. Faites avec de tels gens. Sopo kana batu babili. C'est la grandeur de Dieu dans leur cœur. Ni bukubwa ba Mungu ndani ya moyo wao. Le fils de Jacob. Batoto banome Yakobu. Réfléchissez avec la parole. Mufikiri na neno. Ils ont planifié. Quand ils seront dans le troisième jour, dans les plaies profondes, nous prendrons des épées. Nous les tuerons. Nous prendrons notre sang. Et nous partirons. L'ancien, la papa, l'ancien. On les anciens ont dit. Écoutez la voix des anciens. Il faut que ce soit saouti à Wazé. Ah, mais c'est maintenant wakati yangu. Oh, moi je n'ai plus encore beaucoup de temps ici. Ils sont tombés sur eux. Ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont tué les hommes. La colère. Et l'excès de la colère. Na ils ont dépassé les hommes. Ils ont tué les jarrets de vaches. Ils ont tué tous les animaux. La colère. Na mitungi est-ce que ce sont les vaches qui ont violé les hommes? Eti, ni ile mitungi, njo ilitendea mubaya dada yabo. La colère de l'homme. Kasirani ya mutu. Ils ont exécuté leur rôle. On apprend Jacob. Mes frères, qu'est-ce que vous me faites dans le pays de refuge? Vous avez mal agi. Dieu. Mungu. Seti. Akanyamaza. Abe. Abe. Dieu seti. Mungu akanyamaza. La réponse de Dieu est là. Jibu ya Mungu sas. N'est-ce pas? Aite na vile. La réponse de Dieu. Jibu ya Mungu. Elle vient après. Inakuwaka kisha. Amen. Amen. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Mufata sasa jibu ya après, Mungu. Après. Kisha. Qui a fait tes dégâts? Bon, l'étenda mambo kumbaya. Écoutez Dieu. Sasa mufate Mungu. 49. Makumina na tisa. Jacob appela ses fils. Jacob akaita batoto yake. Et dit. Na kusema hivi. Ensemble. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. On récolte ce qu'on sème. Rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob. Écoutez Israël. Israël. Votre père. Ça c'est Dieu maintenant. Ruben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vie, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un petit peu comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche. Animonta. Suivez maintenant. Siméo et Lévi, son frère. Leur glaive sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Sentence de l'Éternel. Maudite soit leur colère. Car elle est violente. Et leur fureur. Car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. La colère de l'homme est maudite par Dieu. Dieu a maudit la colère de Mungu, de Lévi et de Simeon. Arilaini nani, kasirani ya Lawi, la colère de l'homme tu, ya mutu, n'accomplit pas la justice. mon frère, ma soeur, tu veux toujours continuer à garder la colère. Tu as vu les résultats. Chaque fois que tu te mets en colère, contre ton frère, contre ton ancien, contre ta sœur, contre ton mari, vous n'êtes pas en bénédiction. Vous pouvez chanter, vous pouvez prier, vous n'êtes pas en bénédiction. Ta colère te détruira toi-même. Ta colère ne te donnera rien de bien devant. Cher prédicateur, attention avec la colère. Moïse a raté. Tu veux que je te parle de Jonas? Vous vous rappelez? Il était fâché contre Dieu. Tu m'as dit que tu vas les détruire. Maintenant tu les as pardonnés. Moi, c'est pour cela que je te fouillais. Je ne voulais pas y aller. Je savais que tu es là, riche à bonté, à miséricorde. Voilà maintenant, je suis maintenant menteur. Moi, je dis qu'ils seront détruits. Toi, tu les pardonnes. Je suis fâché. Dieu dit, je vais t'enseigner. Petit parabole. Mfumbo kidogo. Je ne suis pas ton égal. Jonas, ne pense pas, l'onction m'appartient. Toi-même tu m'appartiens. L'intelligence m'appartient. Le souffle que tu as m'appartient. Les gens là que tu es parti crier m'appartiennent. La parole que j'ai mis dans ta bouche n'est pas la bonne. Tu veux te faire valoir. Dieu amène le soleil. Ça pique Jonas. Il brille. Voilà encore. Je viens de faire ton travail. Tu n'as pas exécuté. Tu as pardonné. Et puis encore, tu ne veux pas même m'épargner du soleil. Dieu laisse une plante monter en l'air. C'est un Dieu de miracle. Tout ce que Dieu fait, c'est pour t'instruire. Il voit l'arbre. Akaona muti. Oh merci Seigneur. Wafuako. Merci. Asante kwa jour. Merci pour le soleil. Dieu enlève la plante. Mungu akatosha tena muti. Il la fait sécher. Akaikausha. Il la fait sécher. Akaikausha tena. Ici je commence à me sentir bien. Nilikuwa nishikia mzuri. Dieu lui dit ah. Mungu akamonesha sawa. Tu es fâché contre un arbre. Unashirikia tu muti. Qui t'a brisé? Ile ilikuwa nakufunika. Et moi Dieu. Sasa mimi Mungu. Je t'ai envoyé. Nilikutuma. Pour crier contre mon père. Ndio nalamikia yule taifa yangu. Et moi Dieu. Na mimi Mungu. Je n'ai pas qu'un péché. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez à ces petits sujets. Tout à chimama. Levons-nous. Nali. Tout à ce moment.